Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous à ce rendez-vous d'information, la dernière édition de cette soirée du 14 juillet 2016. Voici les grands titres de ce journal. Les pourparlers inter-burundais qui se déroulaient à Arusha en Tanzanie ont pris fin ce matin. Pas de communiqué final pour l'instant. Tout ce que l'on sait, c'est que le médiateur a pu décrocher un ordre du jour provisoire pour les prochaines étapes de discussion dans le fond de la crise burundaise. Benjamin Mkapa devrait le soumettre aux chefs d'États africains qui se réunissent pour le 27e sommet à Kigali du 16 au 18 juillet prochain. Nous avons pu recueillir les appréciations des politiques et de la société civile sur cette étape. Vous entendrez à ce propos tour à tour Léon Sengendakoumana, Daniel Gérazen Davirabe et Pierre Claver Bonima. Et la date du 14 est de triste mémoire pour les journalistes burundais, car rappelant le jour quand 5 médias ont été détruits par des hommes en uniforme, privant ainsi la population tout entière de leurs sources d'information, on fera le point dans ce journal avec une analyse d'un professionnel, Athanase Karayenga. Éducation, plus de 110 000 écoliers ont abandonné l'école durant l'année scolaire 2015-2016. En chiffres donnés par la Fédération nationale des organisations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, qui demande à tous de conjuguer les efforts pour corriger cela. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. La deuxième session des pourparlers inter-burundais d'Arusha a pris fin dans l'avant-midi ce jeudi. Le médiateur a pu obtenir un projet d'agenda consensuel des prochaines négociations entre les protagonistes dans la crise burundaise. Cet ordre du jour provisoire sera soumis au chef d'État d'Afrique pour approbation et ce sera à Kigali lors de leur 27e sommet. Léon Sengendakoumana, président du Parti Sewanya Frodibou et membre du Sénaré de la plateforme politique de l'opposition burundaise essentiellement en exil, exprime ici sa satisfaction par rapport au progrès réalisé à Arusha. Comme point de progrès, c'est qu'il a pu appeler à Arusha le pouvoir de Bujumbura et le Sénaré et il les a écoutés tous. Malheureusement, séparément. Il aurait été mieux qu'ils les écoutent ensemble pour qu'on puisse dégager très rapidement des compromis sur l'agenda, des compromis sur le calendrier. Troisièmement, c'est que après avoir écouté les deux groupes, il a pu dégager un projet d'agenda. Et quatrièmement, il vient de nous informer qu'il s'envole pour Kigali afin de donner rapport aux chefs d'État qui seront à Réunion. Ce sont eux qui l'ont mandaté, qui lui ont donné mandat, pour qu'ils puissent savoir à quelle étape il est et quels sont les problèmes et les difficultés qu'ils rencontrent et pour pouvoir l'aider à faire une étape supplémentaire pour l'aider à mieux réussir la prochaine étape. Avec ce projet d'agenda, quelle va être la suite? Ça veut dire avec ce projet d'agenda, la suite, en toute logique, devra être la négociation sur ce projet d'agenda, parce qu'il n'y a pas encore eu de négociation. Il a écouté les uns d'un côté, les autres d'un autre côté. Il a fait la synthèse, il nous a présenté la synthèse, nous l'avons amendé, mais nous n'avons pas encore pu nous rencontrer face à face et discuter de cet agenda. La prochaine étape, ça sera alors de discuter cet agenda face à face. On peut dire que avec cette avancée, le scénario est satisfait. Le scénario est entièrement satisfait de cette rencontre et des résultats à ce que nous avons procédé à une évaluation et nous avons félicité nos facilitateurs et tous ceux qui ont contribué à ce qu'il en soit ainsi. Léon Sengendakoumana est le porte-parole du parti CNDD-FDD qui était aussi à Arusha, reconnaît qu'il y a toujours des difficultés à s'entendre sur la liste des gens qui peuvent participer à ce dialogue. Gélas Daniel Ndabirabe pense aussi que petit à petit, le médiateur pourra trouver un moyen de faire cette liste tenant compte de leurs propositions. Il reconnaît que la facilitation a fait un pas en avant dans ce volet du dialogue qui s'est déroulé à Arusha. Au niveau du parti CNDD-FDD, bon, nous ne dirons pas que nous sommes satisfaits, d'autant plus qu'on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait confrontation donc des groupes ou des idées et qui viennent de plusieurs personnes, mais cela n'a pas été. Mais cependant, nous félicitons la facilitation d'avoir pu quand même inviter les Burundais dans ce volet extérieur donc du dialogue. Aussi, nous pouvons vraiment déplorer le fait qu'il y a eu un incident tout au départ parce qu'il y a des gens qui ont été invités alors que le gouvernement, le parti CNDD-FDD s'était prononcé là-dessus en montrant que tous ceux qui sont poursuivis par mandat d'arrêt ne peuvent pas être invités donc dans ce dialogue. Mais pour temps, on a vu qu'il y en a qui ont été invités et la facilitation a été forcée ou obligée donc de les mettre dehors, donc pour que les choses, les travaux commencent. Ainsi, la réponse a été trouvée rapidement. On les a sortis, on les a mis dehors, mais à la fin, nous avons quand même, les uns les autres, donc, ont donné des propositions pour que donc les mêmes erreurs ne se reproduisent. Le médiateur vous a donné les points à mettre sur l'agenda. Vous devriez donner vos propositions. Est-ce que vous avez été satisfait de ces points? Vous avez eu à ajouter ou à retirer? La proposition, oui, a été soumise à tous les groupes en consultation. Et pour ce qui est du CNDD-FDD, nous ne pourrions pas dire qu'il y a des choses qu'on a retirées ou qu'on n'a pas retirées. Mais nous avons trouvé qu'il y a des questions qui sont revenues depuis le début, donc jusqu'à aujourd'hui, qui reviennent, alors que ce sont des questions qui ont déjà trouvé, par exemple, des réponses. Par exemple, on ne pourrait plus poser la question si le gouvernement ou les institutions donc, de Bujumbura existent. Et nous pensons plutôt qu'il y a d'autres questions qui devraient peut-être, donc, telles que les questions de bonne gouvernance ou je ne sais pas comment. Ce sont des questions qui devraient être adressées au programme politique des différents partis. Jelaz Daniel Ndawira Yabé au téléphone depuis Arusha avec Marie-Ange Nzeimana. Et le président de l'Association pour la protection des droits de l'homme et des prisonniers appelle les Burundais à la retenue et à attendre les résultats des négociations. Pierre Claver Mbonima se réjouit qu'une bonne partie de Burundais ait déjà dépassé les problèmes de division ethnique. Pour lui, le grand problème réside actuellement au niveau politique. Et là où il était à Arusha dans les pourparlers, le président de la ProDH se dit satisfait de la stratégie adoptée par le facilitateur, même si un consensus n'est pas encore dégagé sur la liste des participants aux prochaines étapes. Pierre Claver Mbonima affirme que nul ne peut chasser l'autre parmi les Burundais, le pays appartenant à tout le monde. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Léonce Vitaliou. Puisque les Burundais vont accepter de se mettre ensemble, je suis tout à fait d'accord. Le début est difficile, mais je vois que le facilitateur est en bonne voie, mais je crois que nous allons quand même plus tard, même si nous n'avons pas aujourd'hui demain, arriver à quelque chose de palpable. Il y a polémique autour des participants et ça s'observe souvent. Qu'est-ce que vous en dites? Je vois que quand même il y a eu des améliorations. Il y a beaucoup qui ont été invités avant qu'ils n'étaient pas là. Tout le monde ne peut pas participer. Mais une fois que le médiateur a trouvé la solution des participants, je pense que tout le monde peut quand même s'asseoir ensemble et trouver solution. Et ce n'est pas une question très grave des participants, parce que même si on dit que le Sénarez n'a pas été invité comme Sénarez, il y a quand même beaucoup de membres des partis de Sénarez qui ont été invités. Pour moi, je ne vois pas de différence. Les propos sont les mêmes. C'est la même chose que pour la société civile, la création, mais n'importe quoi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les échanges. Quel serait l'appel que vous pourriez lancer aux uns et aux autres pour que le Burundi puisse retrouver une paix durable? Il faut que quand même les Burundais acceptent de se faire ensemble. C'est ce qui a déjà commencé. Aussi, je conseillerais aux victimes de ne pas faire de vengeance. Surtout, de ne pas utiliser les violences, parce que les violences ne construisent pas, les violences se détruisent de plus en plus. C'est pourquoi, plus tard, la justice devra travailler pour quand même établir dans les droits les victimes. Parce que pour lui, ce qui a gagné le pays, c'est l'impunité. Alors, il faut que nous ayons une justice indépendante. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher. Je crois que les Burundais pourront quand même trouver une paix durable. Tout dépend de nous. Nous sommes des Burundais. Nous n'avons pas d'autres problèmes que des problèmes politiques. Car, sérieusement, le problème ethnique n'a plus de rigueur. Pierre Claver Mbonima depuis Arusha, comme tous les autres négociateurs, Daniel Gérard Ndabirabe et Léon Sengendakumana ont été joints au téléphone par la rédaction depuis Arusha. En Tanzanie, je le disais, la feuille de route provisoire qui comprend la question de la sécurité devrait être présentée au chef d'État à Kigali lors du prochain sommet qui débute ce week-end. On précise ici qu'à côté d'autres thématiques, la sécurité au Burundi et dans d'autres régions d'Afrique est sur l'agenda de la session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui précède le sommet proprement dit des chefs d'État. Et donc, pour ce qui est des appréciations de ce round d'Arusha sur la crise burundaise, nous l'avons dit, c'est dans ce sillage de la crise burundaise que les médias privés ont été détruits. Et aujourd'hui, les journalistes burundais éprouvent des difficultés d'accès à l'information souhaitée, plus précisément ceux des médias détruits depuis le 14 mai 2015. Et c'est le grand défi de certains journalistes, ces médias, qui affirment que le pays est en train de perdre car le médium est lent. Des instruments de développement du pays. Et cela est dit 14 mois après la destruction de certains médias au Burundi. Une date de triste mémoire, je le disais dans les titres, Placide Denis Mongere a rencontré sur place certains journalistes. Nous n'avons pas le droit d'aller sur terrain comme d'autres. Cette femme est journaliste, affirmait qu'exercer ce métier de jour-ci est difficile, qu'il travaille presque dans la clandestinité et dénonce certains dignitaires qui les privent de l'information. Je te dirais que nous vivons presque dans la clandestinité. Nous avons peur d'aller sur terrain, surtout que quand on appelle les officiels pour des interviews, une information quelconque sur les faits qui ont eu lieu, des fois ils nous disent, je cite, vous n'avez pas le droit de travailler. Pourquoi vous m'appelez ? Celui-ci trouve que le manque de l'information n'est pas pour le journaliste seulement, mais mal à la population, ce qui est en train de faire régresser le pays. Aujourd'hui, alors, quand nous avons encore des difficultés d'informer ou de chercher de l'information, ça concerne tous les domaines de la vie nationale. L'économie, parce qu'on n'aura pas assez d'informations pour orienter notre économie. La santé, parce qu'aujourd'hui, le petit paysan là, n'aura plus accès à l'information de la santé pour avoir un comportement à prendre. La justice, c'est parce qu'on n'aura pas assez d'informations sur tous les éléments, les lois et autres qui seront votées par l'Assemblée. Donc, c'est un problème qui concerne toute la vie nationale. Ces journalistes constatent alors que le pays est en train de perdre car le métier de journalisme est l'un des piliers du développement du pays, d'où il faut rétablir la confiance entre tous les Burundais. Il faut alors rétablir la confiance pour que tout Burundais sache que moi comme Burundais et l'autre comme Burundais, nous avons l'obligation de construire ensemble ce pays. Ces journalistes demandent alors qu'ils soient tranquillisés en même temps que les autres Burundais et que la situation sécuritaire soit assainie. Cela est dit au 14e mois de la destruction de certains médias et trois d'entre eux restent encore fermés, dont la RPA, Bonesha FM et la radio-télévision Renaissance. Placide Niyomongere, la rédaction a approché un professionnel des médias pour son analyse. Il nous a dit que le droit de diffuser des informations pour les radios est un droit reconnu par la loi et ce droit n'appartient pas aux journalistes mais à la population réceptrice. Et c'est Athanase Karayenga qui nous l'a dit et qui trouve que les radios qui ne sont pas encore réouvertes est une entrave au droit à l'information que la loi autorise aux citoyens. Il compare le travail d'un journaliste à celui d'un médecin ou d'un instituteur qui sont toujours au service du citoyen. Suivez. Le droit d'émettre des radios, le droit de diffuser des informations, le droit de chercher de l'information pour les journalistes, c'est un droit bien entendu reconnu. Le droit de communiquer n'appartient pas pourtant aux journalistes, il appartient aux citoyens. Accéder à des informations de qualité, à des informations diversifiées, et c'est un droit fondamental, c'est pas un privilège. Les journalistes, comme les instituteurs, comme les médecins, comme les juges, ont le droit d'exercer leur métier, mais au nom et au service des citoyens. De ce point de vue, il n'y a que la lutte, une lutte pacifique, démocratique, une lutte pour rappeler l'importance de tous ces droits, une lutte de tous les citoyens qui veulent que ces droits soient respectés. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Éducation à présent, plus de 110 000 élèves, c'est le nombre d'abandons scolaires durant l'année scolaire 2015-2016. Un chiffre donné par maître Jacques Nshimirimana, président de la FENADEB, la Fédération nationale des organisations engagées dans le domaine de l'enfance. Il demande à toutes les organisations locales et internationales de conjuguer leurs efforts pour corriger la situation. Didier Nyonzima. Stagiaire à notre station. Le président de la FENADEB précise que c'est la première fois que l'on observe une allure aussi inquiétante d'abandon scolaire ici au Burundi, raison pour laquelle, selon lui, il est pertinent de lancer un appel à tous les concernés. Ces chiffres sont très inquiétants. Donc nous avons crié, nous avons lancé ce cri d'alarme pour qu'il y ait des mesures visant à juguler ce phénomène d'abandon scolaire. Notre appel a été lancé particulièrement aux autorités du ministère de l'Éducation, mais aussi à tous les acteurs qui sont engagés dans le domaine de l'enfance au Burundi. C'est aussi un travail de nos organisations, un travail des parents, de sensibiliser les parents sur l'intérêt de garder l'enfant à l'école. Si la bande scolaire continue sur le rythme auquel il est aujourd'hui, donc on risquera de rester avec 10% d'enfants l'année prochaine. Maître Jacques Nshimilimana précise que plusieurs raisons sont à l'origine de ces cas d'abandon scolaire. Il précise que c'est essentiellement à cause des problèmes familiaux et que c'est la province de Ruigi qui vient en tête avec un chiffre de 23 649 abandons. La plupart de ces enfants quittent l'école suite à une pauvreté de leur famille. D'autres ont fui le pays. Et là, nous demandons aux autorités scolaires de mener des investigations, des enquêtes minutieuses pour savoir exactement pourquoi de tels chiffres à Ruigi, comparativement aux autres provinces comme Gitega qui compte 1116 cas, comme les provinces Muramvya qui compte 3993 cas, etc. Le président de la FENADEB demande aux autorités éducatives de s'en préoccuper davantage. Il indique qu'au lieu de fournir seulement les statistiques sur ces cas d'abandon, qu'il faut aussi montrer aux Burundais les efforts conjugués, notamment pour sensibiliser les parents et les enfants à rester à l'école. Il demande aussi à la communauté internationale, qui a pris des mesures économiques et contraignantes à l'endroit du Burundi, de mettre en avant l'intérêt des enfants. Didier Nyonzima, stagiaire à notre station éducation, toujours cette fois-ci à l'enseignement supérieur. Certains étudiants de l'Université du Burundi à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines ont été renvoyés des hommes universitaires et leur inscription pour l'année académique en cours a été annulée. Ces étudiants avaient arrêté les cours il y a près d'un mois. Ils s'insurgent contre l'introduction de nouvelles filières dans cette faculté. Ces étudiants estiment que ces dernières ne leur permettront pas d'accéder au marché du travail. Les détails avec Jean-Marie Nibigira, il est également stagiaire à notre station. Les étudiants renvoyés sont ceux de baccalauréat 1 et 2 dans le département d'études africaines, bac 1 et 2 dans celui des langues et littérature française, bac 1 et 2 dans le département des langues et littérature anglaise, ainsi que les étudiants de bac 1, 2 et 3 dans le département d'histoire, dans la filière d'histoire. Mardi de la semaine dernière, avaient été renvoyés les autres étudiants de bac 3 dans les départements d'études africaines et celui de langue et littérature française. L'un des représentants des étudiants renvoyés indique qu'il dénonce la réorganisation du système d'enseignement dans cette faculté. L'objet de notre revendication, c'est l'introduction de nouvelles filières dans la faculté des lettres et sciences humaines. Au juste, ces filières ne sont pas du tout mauvaises, mais ce qui est mauvais, c'est qu'on a introduit ces filières alors que nous sommes en train de terminer ces départements. Il faut que les filières, tout d'abord, soient bien préparées. Ces étudiants demandent qu'ils soient entendus par l'autorité rectorale pour bien expliquer leurs réclamations. Emery Deris Mouchawinol est l'un de leurs représentants. Et ce que nous demandons, c'est qu'il faut qu'ils cherchent tout d'abord à nous réunir afin d'échanger, ce qui occasionne d'entrer en mouvement de revendication. Parce que jusqu'à maintenant, le recteur de l'Université du Burundi n'a pas encore pris l'occasion de nous réunir afin d'échanger, ce qui est l'objet de nos inquiétudes. L'effectif des étudiants touchés par cette mesure s'élèverait à plus de 1200 selon certains de leurs représentants. Et à ce propos, les autorités des canals nous ont promis de s'exprimer dans nos éditions de ce vendredi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Oh.